la cible de Cupidon. Avec intensité, leurs regards se sont croisés quand elle a terminé sa page de mots croisés. Alors que lui remplissait un sudoku, elle l'a trouvé charmant sur le coup. La foudre lui est tombée sur le cou, la foule a disparu d'un seul coup. Sa tête est aussi vite que ton compte bancaire. Sa mémoire est en jachère, il aurait besoin d'une secrétaire. Ça devient spectaculaire, on pourrait en faire un documentaire. Elle illumine son visage, lui donne du courage. Elle éloigne les nuages, pas de doute. Cupidon l'a pris en otage. Il la trouve un peu plus ravissante, victime de sa beauté renversante. Il passe à une drague imminente. Elle dit qu'elle vient de Nantes. Elle a le même accent que son ex amante. En pensant à elle, il s'endort. En passant devant elle, il voit de l'or. Il voit plus qu'elle, il en oublie le décor. Même s'il pleut des cordes, de sa mémoire a été retiré le mot miséricorde. Elle illumine son visage, lui donne du courage, elle éloigne les nuages, pas de doute, Cupidon l'a pris en otage. Émilie porte des converses, Enzo a mis des Stan Smith, sur le passage piéton il traverse, elle lui plaît beaucoup cette miss, chacun cherche à entamer la converse, il aurait aimé avoir les muscles de Will Smith, les pas se précipitent en raison de l'averse. La miss, quitte à s'immiscer dans un précipice, déclare, traversée par un frisson. « Vous avez l'air bien sympathique, je peux vous offrir une boisson. Il y a un bar sympa après cette boutique. » Elle illumine son visage, lui donne du courage. Elle éloigne les nuages. Pas de doute, Cupidon l'a pris en otage. Elle illumine son visage, lui donne du courage, elle éloigne les nuages, pas de doute, Cupidon l'a pris en otage.